J'ai tout foiré, tout ce que je tiens, tout ce que je fais, ouais, j'ai tout foiré, tout ce que je touche, tout ce que je fais. Mon amour sont passés, mes amours sont passés bien à côté. Où sont passés les sentiments sur le bas-côté? Je suis même devenu sourd, je n'ai plus personne à qui. J'ai cru qu'un jour ça irait mieux, mais plus j'attends, et moins c'est mieux.